gaz dans mon char pour faire plus de pollution. J'ai le goût d'aller vite et de pas regarder où c'est que je vais. J'ai le goût de péter mes vitres en fonçant sur le gars là-bas. Oui, je l'aime mon nouveau char. Oui, je l'aime mon char. Oui, je l'aime mon nouveau char. Oui, je l'aime mon char. J'ai bu une caisse de 24 puis je suis allé faire un tour en char. C'est pas un 4x4, j'ai quand même monté sur le trottoir, puis j'ai écrasé tout le monde, les vieux, les jeunes, les handicapés. Après ça, j'ai fait le tour du monde pour écraser des gens de différentes nationalités. Je l'aime mon nouveau char, puis je l'aime.